CKRL 89.1. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballez sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Les bouquins d'abord. La grande collisionneuse de hadrons. Il y avait eu un temps, longtemps, avant où les semaines duraient des mois, et où on pouvait lire des œuvres complètes de tout ce qu'on voulait, et où je voulais tellement être la reine de la création littéraire. Des dédicaces au salon, du livre, parler de mon roman à Radio-Canada, attendre les critiques dans les journaux, demeurer discrète, mais flamboyante, à mon lancement au Lion d'Or, avec des médias quelconques, critiques quelconques, amis quelconques, dans un temps quelconque, qui n'existe qu'en amertume, on ne vend plus de livres. On n'a plus le temps de les lire, on ne sait plus quoi se raconter. Je tape ma vie dans une coquille de noix, les visages s'estompent, parce que l'expansion de l'univers amplifie le vide entre les gens et les heures deviennent des jours, passés à lire des articles sur Wikipédia, etc., etc. Ça, c'est le début du livre « La vie littéraire ». Ça fait partie de mes lectures d'été. J'ai adoré ça, mais je ne sais pas pourquoi. C'est super bien écrit. C'est contre bien des choses. Daniel Grenier, bonjour, tu l'as dit tantôt. Ça s'exprime contre toute la vie littéraire, le monde littéraire. On en fait partie. On va s'asseoir ici, on va parler des livres. Il doit bien haïr ça, mais moi, j'ai quand même aimé son livre, Mathieu Arsenault, « La vie littéraire à Le Cartanier ». Et on va commencer la saison là-dessus. Bienvenue à René Bolduc. Bonjour, Berbel. Bonjour aux bouquins d'abord qui reprennent la saison aujourd'hui. Oui, grosse ça commence journée. Intense avec cet extrait. Bonjour à Daniel Grenier. Salut, ça va bien? Oui, on va parler nouvelles, toi et moi. Et à Gilles Chomel. Bonjour. Le programme est assez vaste. On va parler du 12 août. On va parler de nos lectures d'été. On va parler de nouvelles. Ça fait partie des bonnes résolutions pour l'année de, au moins en moyenne, d'avoir un recueil de nouvelles. On en a deux aujourd'hui. Oui, hein, on aborde chacun un recueil de nouvelles. Donc, on va essayer d'en parler un peu plus. C'est vrai que c'est un petit genre négligé. Oui, mais en. Et à la fin, j'ai vraiment une belle liste d'actualités. C'est la rentrée, fait qu'il y a plein de lancements, il y a des trucs qui se passent en ville. Vu qu'on a beaucoup de stock, moi, je dirais qu'on fait une toute petite pause back et on revient avec Gilles. Sophia s'immobilisa pour mieux écouter cette étrange mélodie qu'il lui semblait entendre pour la première fois. Tandis que se développaient les premières mesures, Sophia, fascinée, saisit obscurément que les deux lignes mélodiques qui en formaient le contrepoint ne se répondaient pas, mais, semblables et distinctes, s'ignoraient mutuellement. Et que c'était au cœur de cette distance irréductible jamais comblée que venait se loger le clair mystère de la musique de Bach. Et pourtant, c'est un livre terrible dont on parle. Oui, et écoute, j'aimerais avoir un peu une mise en situation. C'est le livre que toi t'as acheté le 12 août? Le 13. Le 13. Ah, t'étais en retard, toi. Oui, parce que j'étais sur la mer, justement, le 12. OK, c'était pardonné. Et même à travers les baleines bleues, c'est pas en kayak de mer. J'ai pas obligé d'éclairer, mais c'était comme ça. Et en sortant du fleuve, on a passé par Chicoutimi, parce qu'on était au Grande Bergeronne. Alors, c'est sur le même chemin. On s'est arrêté à la librairie de la rue Racine, qui est la librairie... ça s'appelle pas les libraires ou quelque chose comme ça? C'est la librairie indépendante? Les bouquinistes. Les bouquinistes. Les libraires. Merci, les libraires. Et il était à 5h moins 5. Il fermait à 5h. Et là, il y avait... Shannon Desbiens, voilà. C'est bon. Il est connaît tout. Shannon, il m'a très bien reçu quand je suis allé à Chicoutimi. Justement, c'est pour ça que je me rappelle de lui. Allô, Shannon, si tu nous écoutes. Je sais pas si il est capable du parc. Ouais, de l'autre côté du parc. Et il est à 5h moins 5. Il allait parler du 12 août, le 13 à Radio-Canada. Il dit, j'ai plus le temps. J'ai dit, je veux un livre pour le 12 août, même si on est le 13. J'ai dit, je sors de la mer, je peux pas. Il dit, prends ça. Claire, excusez-moi, pourquoi 12 août? Pourquoi ça s'appelle le 12 août, là, votre chronique là, qui revient de reprise? Avez-vous entendu parler du 12 août? Pas René, visiblement. C'est l'achat, c'est l'achat de livres québécois. Pardon. C'est ça. Bon. Yeah. Alors, oui, mais excusez, éclairez mes lanternes. C'est une idée qui a éclos dans la tête de deux auteurs de jeunesse qui s'appellent Patrice Cazot et Amélie Dubé. Qui est animé du désir de faire quelque chose pour stimuler le marché québécois du livre. Ils ont reparti cette idée-là sur Facebook et ça fait boule de neige. C'est un succès absolument étonnant. Ben, ça a l'air que ça ressemblait à une journée avant Noël dans les librairies, ce qui est très, très chouette. Écoute, toi, j'ai acheté de Dominique Fortier, du bon usage des étoiles, qui est l'histoire véridique, mais romancée, évidemment, du Terreur et de l'Erebus, deux bateaux anglais qui sont partis trouver le chemin du nord-ouest au nord du Canada, et puis dont on n'a jamais retrouvé trace. Ouais. Et en même temps, c'est aussi l'histoire de Sophia et de Jane, Lady Jane, qui est la femme d'un des héros du chef d'expédition, qui est Lord Franklin, qui est lui dans l'Arctique. Elle, pendant ce temps-là, elle vit à Londres, elle se promène un peu partout sur la planète. Ça nous fait un peu l'image de la société anglaise de la même époque. Alors, on a un livre qui se passe dans le Grand Nord, dans la plus grande des sauvagetés, dans le plus grand désert de glace qui est imaginable, et par opposition dans la société supposément la plus évoluée de l'époque, la société anglaise. Et puis, on en fait d'ailleurs, il y a une description d'un souper à un moment donné absolument hallucinant avec tout ce qui est préparé. C'est écrit remarquablement, comme ce petit passage, c'est le seul passage que j'ai lu de Bach, c'est le seul passage qu'il y a sur la musique, mais il y a des passages sur les icebergs, sur l'univers, sur la neige, la description de la neige qui puis ça là, pour avoir décrit la neige comme elle le fait là, elle a fallu qu'elle aille voir du côté des Inuits, parce que les Inuits ont peut-être 30-40 mots pour décrire la neige, pour décrire le Québécois, on a déjà plus que le français de France. Oui, mais encore là, nous autres, on a la neige blanche, la neige dure, la neige grésillée, on en a pas mal quand même, la bouette, la boue, mais pendant 6 mois. Fait que bref, ce roman-là du bon usage des étoiles, moi je connaissais pas Dominique Fortier, c'est la première fois. Et comme je sortais de la mer, et puis que je suis tombé dans ça, j'ai trouvé ce livre d'eau-là absolument, absolument fascinant. Je sais pas, je pourrais vous en lire un autre petit extrait juste pour vous donner l'idée du ton. Tandis que nous poursuivons notre traversée de l'Atlantique, étonnamment calme pour cette période de l'année, je me souviens de ces navigateurs d'hier, terrorisés à l'idée d'atteindre un jour le bout de la terre et de sombrer dans le vide, et qui pourtant s'aventuraient dans des eaux inconnues, poussées par quelque soif de découverte qui tenaille l'être humain depuis la nuit des temps, par quelque besoin de braver l'inconnu, d'élucider le mystère et de ce qui s'échappe insolemment à la compréhension ou à la maîtrise de l'homme, désir auquel vise sans doute à répondre toute science ou religion. Et là, il conclut. Et ça, c'est le causeur, c'est le second de l'expédition, et c'est lui qui raconte toute cette histoire-là, toute cette saga-là, jusqu'à l'au dernier souffle congelé. Quant à moi, je suis allé au bout de la terre, j'ai basculé dans ce vide où il n'y a ni monstre marin, ni poulpe géant, ni sirène, ni même Dieu. Et je n'ai trouvé que la nuit dans cet abîme, et c'est sans doute de toutes les découvertes la plus terrible. C'est toute une écriture. C'est toute une écriture. Cette conclusion-là, la découverte la plus terrible, elle se concrétise à la fin parce que il meurt dans des... Les bateaux sont complètement pris dans la glace pendant 2 ans parce qu'ils ne sont plus capables de sortir de là. Il n'y en est pas question. On ne sort pas. C'est pris. Mmh. La glace ne fond pas. Ils sont allés beaucoup trop au nord au lieu de redescendre un peu vers le sud parce qu'ils ne connaissaient pas le territoire de toute façon. Donc, pris dans la glace jusqu'à temps que ces bateaux-là, qui étaient la fine fleur de la marine anglaise, renforcé de métal, tout ce que tu voudras. À la fin, le métal cassait, le froid s'insérait à travers les planches. Il n'y avait plus que des conserves absolument dégueulasses à manger de parce qu'il était parti avec des dizaines. Il venait d'inventer les conserves, ou à peu près. Mais c'était des conserves dans des boîtes de plomb. Et ça, aujourd'hui... On sait que c'est dangereux. On sait que c'est probablement ça qui les a fait mourir. C'est ça qu'ils ont... On a pu entendre ça avec Charles Tisser à découverte. Ça fait que c'est un livre à lire, Dominique Fortier, du bon usage des étoiles. Si vous aimez la mer, c'est un livre absolument à lire. Si vous aimez les aventures, c'est un livre à lire. Si vous aimez la beauté de l'écriture, c'est un livre à lire. Puis si vous voulez découvrir la société anglaise du... riche, hein, qu'on s'entend. Les bourgeois anglais du 19e siècle, c'est aussi un livre à lire. Et puis, juste pour compléter, les lettres du père Crespel en 1736, lui, il s'est échoué sur l'île d'Anticosti et il y a passé un hiver où tout le monde, il y a à peu près de son navire, y est mort. La description des morts et du froid là-dedans, c'est hallucinant. L'aide du père Crespel et son naufrage à Anticosti en 1736, c'est publié chez Imaginaire Nord aux éditions de Lucquam. On va et l'ajouter à notre dossier photo ça fait, de Facebook. Ça fait ça va ensemble. Un voyage du Nord assez intense. Merci Gilles Chomel. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord avec Barbe Reinke. Et on continue sur la lancée du 12 août. Moi, j'ai fait un doublé. Bon, d'abord, je suis allée dans une librairie que je ne connaissais pas, la librairie de quartier, du quartier. J'aimais... Celle qui vient de réouvrir. Oui, j'aimais pas beaucoup la bouquinerie à la fin et j'étais très contente quand je suis retournée de voir à quel point que c'est devenu lumineux comme local. J'avais l'impression que c'est une grotte les fois avant, on trouvait jamais rien, même si les libraires étaient archi gentils, mais il y avait rien à faire. Tu voyais, en tout cas, moi, j'ai des mauvais yeux, là, comme beaucoup de lecteurs. Fait que moi, je voyais rien. Et là, c'est éclairé, c'est épuré. Et on était plusieurs qui étaient là sur l'heure du midi pour trouver notre livre. J'ai jasé avec des gens sur place. Puis on les portes ouvertes depuis le début de l'été. Oui, oui, c'est tout le temps ouvert. La bibliothèque est comme la librairie comme à l'extérieur, si on exact. Veut. Et c'est vraiment magnifique. Et là, je me suis dit, bon, j'anime une émission littéraire. On va faire un effort, on va en acheter deux. Fait que j'ai acheté le livre qui m'avait beaucoup tenté quand Maryse Lapierre en a parlé ici, qui s'appelle « Les tranchées » de Fanny Britt. C'est un petit essai chez Nouveau Projet sur la maternité. Et après l'avoir lu, Il y avait, bon, moi-même, je suis mère. Ce qui me touche de ce livre-là, c'est de voir la réflexion des femmes qui ont une vingtaine d'années de moins que moi et leur réflexion sur la maternité. Réflexion que moi-même, je n'ai jamais faite. Moi, j'ai eu des enfants et j'ai jamais réfléchi à ça. J'avais des enfants et, bon, on pense à l'éducation, on pense à toutes sortes de choses, mais ce que moi, comme mère, je suis là-dedans, du tout. Et je suis très contente de lire qu'il y a ce genre de réflexion sur ce que... Qui suis-je, là, moi, comme mère? Ça fait que c'est des idées qui se confrontent avec le féminisme et son postulat, évidemment, qu'il faut être la superwoman, qui a des enfants, qui va travailler, etc. Et qui amorce une réflexion là-dessus, comment on fait pour arriver à ça, ou comment on... contourne les choses pour justement vivre une maternité peut-être un peu plus heureuse. Je trouve intéressant qu'on a inclus des femmes qui n'en ont pas d'enfants et où je sens pas, sur certaines, même pas nécessairement le besoin d'en avoir, mais qui ont quand même eu une mère, qui ont été des enfants, donc qui peuvent tout à fait participer. C'est pas une réflexion exclusive. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'enfants et là, beaucoup, 4-5. C'est à ma génération, 3, c'était déjà beaucoup. Des femmes qui ont des enfants de plusieurs pères. Tout ça est très complet. C'est écrit sur un ton assez amusant. Ça se lit facilement. Et ça reste quand même assez profond aussi. C'est pas un essai universitaire, on s'entend. Mais moi, vraiment, c'est moi, je trouve... C'est un peu une tangente de cette collection, tout à fait. Et que ça s'appelle des tranchées, effectivement. Là. Il y a comme quelque chose, la guerre, là-dedans, l'idée du féminisme. Tranchées avec un A, hein, c'est ça, par contre. Oui. Ouais, il y a un jeu de mots... Oui, c'est parce ça. Que les tranchées... Les tranchées, c'est avec de la guerre, c'est avec un E. C'est ça. Ouais. Mais il y a quand même... Et là, il y a comme tranche de vie aussi en même temps avec ça. Moi, je voulais savoir, Barbelle, est-ce que... J'imagine que c'est la question que se sont fait le plus poser. Ben, Fanny Britt, en fait, avec cet ouvrage-là, mais c'est un peu une question cliché, mais est-ce que c'est juste pour les filles? Si... Non! Non, je trouve que non. Justement, ça c'était mon deuxième point. Je trouve que c'est d'abord, il parle beaucoup aussi des pères. Mm-hmm. C'est toujours la question. Si c'est bon pour les mères, ça doit être bon pour les pères. Tu sais, il y a un peu. Ça fait partie de, je pense, de cette génération-là. Les hommes s'en posent beaucoup de questions aussi. Ben et oui, et que je pense que les hommes de ma génération se posaient pas plus que moi comme mère. Et ça, c'est vraiment non, c'est et je pense qu'un homme peut après ça peut-être un peu moins comprendre certains névroses de filles, certains questionnements et sans que ça tombe dans le cliché. Non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai lu ça très, très vite parce qu'évidemment, la maternité, je connais, fait que j'ai avancé vite là-dedans. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé le ton. Seul bémol, pour certains textes, à un moment donné, je ne savais même plus qui parle parce que c'est Fanny Britt, mais c'est co-écrit. Il est en dialogue avec beaucoup mm-hmm. d'autres femmes et il y a des bouts où j'étais un peu perdu. Il parlait tout en même temps, c'est ça? Il parlait tout en même temps. Ben, c'est comme une gang de filles, effectivement. J'ai aussi lu, et là, il me reste très peu de temps, mais on va revenir là-dessus, de Claire Martin, Toute la vie. C'est un recueil de nouvelles. C'est des nouvelles écrites entre 59 et 69 et plus tard dans sa vie, après la mort de son mari dans les années 90. Claire Martin, qui a eu 100 ans cette année, qui est mort... 2 mois après son anniversaire, elle est morte. On va recevoir le 29 septembre Gilles Pellerin qui va nous en parler beaucoup plus longuement. On va vraiment porter un hommage à Claire Martin, elle l'a mérité. C'est une grande auteure québécoise, pas assez reconnue à mon goût là. Et moi là, chaque nouvelle est un petit délice. Il y en a beaucoup. Celle Toute la vie est touchante. Les oignons verts, ça c'est une petite nouvelle, un petit bijou qui m'avait touchée beaucoup. C'est un tout petit livre que j'ai dégusté beaucoup plus longuement que Les tranchées. On va écouter un peu de musique et on va revenir avec René Bolduc et sa grosse lecture d'été. Higher, higher, higher. On est de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Et c'est le tour à René Bolduc. Bonjour, le gros livre que tu as adoré, qui a du vécu, ça paraît un peu sur la couverture. Beaucoup de pages, mais il faut que je lis ça en été parce que sinon, j'aime pas ça, moi, aborder des romans de 450-500 pages pendant mes sessions. Et ça, vraiment, je l'ai dégusté. Alors, une très belle lecture de Richard Ford, et non pas de Bob Ford. Hein, je sais pas pourquoi. Mais Dick bon, Ford. Dick Ford. Ah, bon. Alors, le roman s'appelle Canada, hein, mais c'est un auteur américain qui vient de Jackson, Mississippi, né en 44. Il a écrit beaucoup de bouquins, Une saison ardente, Un week-end dans le Michigan, L'état des lieux... et il a reçu le prix Pulitzer en 96 pour Indépendance. C'est le premier roman que je lis de Ford. Et Daniel, à côté de moi, me dit... C'est son moins bon. Bon. Que c'est son moins bon. Alors, mais t'as adoré ça. J'ai, ben oui, moi, c'est le seul et unique livre de Ford que j'ai lu. Ça fait qu'imagine tout ce qui te reste à découvrir. Que j'ai apprécié. Alors là, je n'ai pas le temps de faire ma chronique. Il faut que j'aille acheter des livres de Richard Ford. Les librairies sont fermées. Bon, on est là. OK. Alors... Hey, pour nous mais, mettre mais pas, dans le bain... René, c'est pas vrai que c'est son moins bon. Là. Bon, c'est, bon, quand c'est même, prix bon Femina 2013. Tu vois, je lis le premier paragraphe, quatre lignes, beaucoup d'extraits là, aujourd'hui, alors j'y vais aussi. Je vais en lire un deuxième tantôt, j'espère que j'aurai le temps. Alors, ça commence comme suit. D'abord, je vais raconter le hold-up que nos parents ont commis. Ensuite, les meurtres qui se sont produits plus tard. C'est le hold-up qui compte le plus, parce qu'il a eu pour effet d'infléchir le cours de nos vies à ma sœur et à moi. Rien ne serait tout à fait compréhensible si je ne le racontais pas d'abord. Alors, c'est comme ça que le roman Canada débute. Hein? Il y a quatre personnages. Il y a Bev Parsons, le père qui a fait la guerre de Corée. Il est toujours dans l'armée. Il n'y a pas vraiment d'avenir là. Ça va plus ou moins bien, ses affaires. Il vend des autos, puis il joue quand même les apparences, là. Tout va bien, mais et c'est un type qui a du bagou. Tout le monde l'aime. Hein? Il arrive quelque part, là, puis il attire l'attention. Là. C'est vraiment... Mais il va faire des choses croches plus tard parce qu'il va se retrouver dans une situation impossible. Il y a la mère, mais qui s'appelle Neva, qui vient de l'Europe de l'Est. Et elle est une immigrée de récente date. Et elle est très réservée. Et elle roule CR. Pardon? Elle roule CR. Ah oui? Ben, j'imagine, ça vient de leur ben là, écoutez, en lisant... Là... Tu joues pas les personnages. Gilles. Non, c'est un philosophe. C'est, alors, c'est un scientifique. Elle veut écrire de la poésie. De temps à autre, elle fait de la suppléance dans des écoles. Et là, il y a la sœur jumelle, Bernard, et lui, le narrateur d'elle, hein, qui a 15 ans. Donc, c'est l'histoire, c'est son histoire. Sauf qu'elle est racontée par d'elle 50 ans plus tard. Il a 65 ans quand il... Il raconte l'histoire de ses parents. De ses parents quand il avait 15 ans, quand ses parents ont braqué une banque. et c'est, ça bouleverse évidemment une vie. Un petit peu. Et nous, l'art de ce romancier-là, c'est de nous... C'est pas un roman d'action, c'est un roman psychologique. C'est comment ça bouleverse une vie. Comment un garçon de 15 ans comme lui, qui veut embrasser une carrière scientifique, qui veut aller à l'école, qui étudie, mais ce projet-là dément de ses parents, mais vient complètement tout bousiller, évidemment. Et, ils vont être en fuite, j'imagine. Un instant, c'est moi qui fais la chronique. Un instant. Et là, ils sont toujours en train de déménager, etc. Ils sont jamais tout à fait au même endroit. Alors, la famille bouge tout le temps et le père voulait que le fils soit complice. Mais là, c'est la mère qui a dit « Non, c'est moi qui vais aider. » Et puis peut-être qu'elle voulait saisir une occasion aussi pour changer de vie. Ah ben. Et la mère avait prévu ceci. « Si jamais ça tourne mal, moi, je veux pas que mes enfants soient placés. » je veux que... Donc, elle a demandé à une amie, écoute, si ça tourne mal, tu vas prendre mes deux enfants, puis tu vas les amener au Canada, chez ton frère qui s'appelle Arthur Remlinger. Là, c'est un deuxième roman qui commence. Absolument. Un deuxième roman. C'est ça la faiblesse, hein? Pour moi, c'est un grave problème de construction, ah, mais bon. Ah, ouais. Attends. Oui, il a prévu. Mais justement, Richard Ford, il répond à Daniel Grenier, hein, quand tu lui dis que c'est un problème de construction. Un instant, je vais répondre. Je vais me faire le défenseur de l'auteur. C'est un deuxième roman qui commence. Il arrive dans un milieu très bizarre chez un il est même pas chez le frère Arthur Remlinger d'abord. Il est chez un Charlie Quarters, qui est un métis qui se parfume, qui se maquille. Mais il est pas travesti. En fait, il est bizarre. Puis lui, là, c'est un petit gars, dans le fond, un peu bourge. Mais là, il se retrouve, là, il est tout sale, puis il doit faire des travaux, puis il va pas à l'école, ça l'obsède constamment. Il aide à la chasse, bon. Et on peut se demander, mais pourquoi Arthur Remlinger, qui est américain, pourquoi s'est-il retrouvé au Canada? Au Canada. Il y aura des visites de policiers à un moment donné. Hein, puis c'est un espèce de dandy, là, toujours bien habillé, s'occupe d'un hôtel miteux. Et au début, il ignore complètement la présence de ce jeune-là, d'elle. Et là, Daniel trouve que, oui, peut-être, problème de construction, changement. Et pourquoi n'a-t-il pas fait deux romans? Et sans rappeler toute la synthèse ici, aux pages 440-441 du roman... Il fait une espèce de synthèse et il dit ceci. Alors, pour arriver, etc., etc., je vais citer. « Cette période est tout d'une pièce, comme une partition musicale avec ses mouvements, ou bien comme un puzzle à travers quoi je cherche à reconstituer et à conserver ma vie dans un état d'intégrité acceptable, malgré les frontières franchies. Je sais que je suis le seul à établir ces rapports. Mais ne pas tenter de le faire équivaut à se laisser balloter par les vagues pour se fracasser sur les récifs du désespoir. Il y a des enseignements capitaux à tirer du jeu d'échecs où les stratégies individuelles s'inscrivent dans une seule et même stratégie à terme qui vise non pas à rechercher un état d'hostilité ou de conflit, de défaite ou même de victoire, mais l'harmonie partout sous-jacente. C'est des passages comme ça, moi, qui m'ont fait apprécier le livre, en plus des péripéties, évidemment, mais cette réflexion-là sur c'est quoi l'unité d'une vie, malgré tous les chaos, malgré les déchirements, ça arrive à un personnage et c'est possible d'y voir une unité, malgré tout. Peut-être que un roman, ça peut avoir l'air mal construit, mais peut-être à l'image aussi d'une vie, des vies qui parfois sont mal construites, qui sont bien bizarres, parce qu'il peut arriver toutes sortes de choses dans nos vies, puis quand on se les raconte, finalement, on trouve une sorte d'unité là-dedans, où on tente d'en trouver une pour essayer de faire une harmonie. On sait-tu au bout du compte ce qui arrive aux parents? Oui, on le sait, mais je ne vous le dirai pas. Mais non, au moins, il faut savoir. Je ne vous le dirai pas, parce que d'une certaine manière, je peux trahir une chose. Il sait beaucoup des événements autour du braquage de banque parce que sa mère a écrit en prison, etc. Et il y a eu le récit de ça. Tu viens de nous dire qu'ils sont allés en prison. Oh, ça... Zut. Enfin, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec les parents, qu'est-ce qui est arrivé avec la sœur, qu'est-ce qui est arrivé aussi avec lui-même, hein, entre 15 ans et 65 ans, il y a des années, hein. Canada. Comme dit René, c'est pas un roman de suspense. Hein. On s'entend qu'il nous donne les informations assez vite. Donc l'important, c'est vraiment chez Ford, c'est évidemment c'est toute la construction de la psychologie du personnage. Il prend le temps d'asseoir, de dresser le tableau. Cette idée assez provocante d'ailleurs de dire déjà dès le début, je vais vous raconter le hold-up. C'est comme dans la première ligne du roman. C'est pas un polar. C'est pas un polar. Non. Moi, je vous le recommande, puis je suis bien content de savoir que c'est pas le meilleur. Il faut absolument que tu lises Independence Day. Bon, Indépendance et Un week-end dans le Michigan qui s'appelle... Independence Day, il n'y a pas fait un film sur les Martiens qui attaquent, là? C'est pas tout à fait la même chose. Non? C'est pas tout à fait dans le même registre. OK. Bon, merci René Bolduc. On va partir en publicité. On vous revient. CKRL, Québec. À découvrir Raton Lover, un groupe aux accents indie qui nous présente son tout premier spectacle au Théâtre Petit Champlain. Une prestation riche en mouvements où les multi-instrumentistes font grimper l'atmosphère au rythme des chansons à la fois sensibles et énergiques. Raton Lover, le 11 septembre au Théâtre Petit Champlain. Réservation au 692-2631 ou théâtrepetitchamplain.com. Nouvel album disponible en pré-vente sur iTunes. Je suis parti, le temps a bien joué son rôle. T'es mal pris, pis là tu changes ton fusil d'épaule. Flamenco, tap celtique, gumbo d'Afrique du Sud. Vous pouvez maintenant vous inscrire à la session d'automne de l'École de danse Migration. Classe de niveau initiation intermédiaire et avancée en flamenco, tap celtique et gumbo. Obtenez une réduction de 15 $ en utilisant le code de promotion CKRL au moment de votre inscription. Horaires et inscriptions à migration-danse.com. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballée sous vide pour un maximum de fraîcheur, au prix plus qu'abordable, pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Et qu'il est conceptuel, ce Gilles. Ah, n'est-ce pas, hein? C'est de la musique de Eugène Isaïe, qui est le héros de cette bande dessinée dont je vais vous parler, qui a été écrite par Raphaël Beuchot et Zidrou, qui est un accoutumé des scénarios et des dessins des éditions du Lombard. Et ça s'appelle Tourne le disque. Un jour, Eugène Isaïe, qui était un grand violoniste du début du siècle dernier, qui a même joué, entre autres, il a donné des leçons à Albert Einstein. Absolument. Mais pas en mathématiques. En musique. Je suis un peu perdu, excusez. Mais encore là, semble-t-il qu'il était très bon en mathématiques aussi, Eugène Isaïe. Ben. Il faisait des... Bon, c'est une écriture, comme on a pu l'entendre, assez saccadée, assez syncopée, assez très moderne aussi pour l'époque. Donc, Eugène en question, il va passer des vacances chez des amis au Congo. Alors, Eugène Isaïe est en Belge, le Congo étant une partie de la Belgique à cette époque-là, hein, en 1922-23, quelque chose comme ça. L'époque de Tintin au Congo. L'époque de Tintin au Congo. Mais c'est aussi raciste parce que c'est une, oui, ben c'est une image de, quand il arrive au Congo, il est transporté à dos de, pas dos d'homme, mais c'est des espèces de voitures transportées à épaules de noir, là, okay. Bon, à épaules de nègre finalement. Et c'est dans une belle grande maison où il s'installe, où tout le monde est gentil, avec les domestiques qui sont noirs. Et il y en a un qui s'appelle Tourne-Disque, le musicien, le noir en question. Et son job, lui, d'envie, c'est de mettre les disques de la collection de disques. Et de les tourner. Et comme on écoute beaucoup de musique dans cette famille-là, et comme il y a une discothèque de plusieurs milliers de disques, il s'établit entre Isaïe, qui est en vacances, et ce noir-là, une complicité absolument hallucinante. Parce que ce gars-là qui tourne les disques, il comprend ce qu'il fait. Il a appris la musique en faisant ça. Exactement ça. Parce qu'il sait pas lire, j'imagine. Il sait pas lire. Il fait juste écouter, puis il comprend la musique et les musiciens. Et puis, quand il en parle avec Isaïe, Isaïe pense que comme c'est un nègre, pour commencer, comme il est dans sa vie, il fait rien que tourner des disques, il ne doit pas savoir grand-chose, pas capable de faire grand-chose d'autre que ça, là, tu sais. Et là, il se rend compte, là, que des affaires qu'il essaie d'enseigner à ses élèves depuis des années, lui, il lui en fait la démonstration. C'est assez hallucinant. Mais en même temps, c'est une histoire toute simple et toute tendre, écrit, dessiné avec la ligne claire chère aux Belges de l'époque de Tintin. C'est des grandes plages clair avec des dessins pleines pages comme ils s'en faisaient dans les premiers Tintins des années 40-50. C'est une histoire absolument magnifique que je recommande évidemment à tout le monde. Est-ce qu'il y a, Gilles, tu me fais penser, justement, on parle de Tintin au Congo, est-ce qu'il y a en ce moment, est-ce que tu sais si en ce moment en Belgique, il y a une volonté de revisiter en BD, entre autres, le temps de la colonisation, c'est exactement ça. C'est un effort de revoir le passé trouble de la Belgique. Que ça a pas arrêté de trembler là-bas, hein. Ça a fait beaucoup de temps. On le voit le racisme là-dedans, là, tu sais. C'est de la colonisation pure et dure. Mais par contre, c'est fait avec, comment dirais-je, avec des gants blancs puis des petits rubans roses. C'est une forme de, je sais pas comment dire, une forme de catharsis aussi, là, d'aller jouer dans les plaies de ce qu'on a fait en tant que Oui, mais tous les personnages dans ça qui ont beau être des exploitants, les Noirs qui travaillent pour eux autres sont bien traités, à un moment donné, c'est ça, il y en a un dont sa femme accouche, est dans le village à 10 kilomètres. Lui, il revient pour tourner ses disques, puis on lui dit de retourner voir sa femme. Là. Bon, ils sont bons, quand même, ils sont gentils. Il y a ce côté-là un peu énervant que j'ai trouvé que malgré. Ça fait que ça reste, il y a un fond quand même de racisme qui. On s'entend pas de la part de l'auteur, là. C'est une représentation de l'époque. Idyllique du racisme, je te dirais. Ou de l'exploitation des Noirs. Autant en emporte le vent, là. À peu près. Nos esclaves étaient si heureux avec nous. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Absolument. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu dérangeant, oui. Mais l'histoire elle-même est absolument touchante. Et puis, tu vois Isaïe qui parle avec ce monsieur-là de musique. Puis, veux pas, là, tu regardes les pages, tu regardes les plages, puis tu entends la musique. Ça s'appelle Tourne le disque. C'est publié au Lombard et c'est très beau. Et on va écouter encore un peu de temps. Comment il s'appelle? Eugène Isaïe. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord avec Barbe Rink et je passe les micros tout de suite à Daniel Grenier qui a lu un recueil de nouvelles. Salut Barbelle, salut Gilles, salut René. Il aurait fait ma chronique à ma place, Richard Forge, micro. Il m'a donné tout un cours sur Richard Forge, mais bon. Je l'aborderai plus tard en saison. Je vais t'expliquer comment. C'est pas vrai. Écoute, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe là après ces belles lectures. Mais c'est vraiment pas une lecture d'été que j'ai fait. C'est une lecture assez hivernale en fait. C'est un recueil de nouvelles comme tu disais. Ouais. Ça vient de sortir des presses là chez Triptych. C'est le recueil de nouvelles d'Olivier Demers qui s'appelle Contes violents. Et il y a un genre de Don Quichotte Page couverture, c'est une photo d'un guerrier de la Première Guerre mondiale, ce que je comprends, sur un cheval, avec une lance et un masque à gaz en même temps. Là. OK, moi, de loin, je ne voyais pas le masque à gaz. Donc, disons que le titre n'est pas est très annonciateur de ce qui nous attend à l'intérieur. Là. Je te présente rapidement. Je ne sais pas si vous le connaissez, Olivier Demers. Du tout. Olivier a sorti... Olivier, comme si je le connaissais personnellement. Demers, plutôt, ça fait plus sérieux, a sorti un roman il y a 2 ans, en 2012, chez Triptyque aussi. Ça s'appelait L'hostilité des chiens, qui a été quand même assez bien reçu, qui a été finaliste au Grand Prix littéraire Archambault. Il y a eu une presse intéressante. C'était un roman qui était dans la veine des romans misanthropes là, de Thomas Bernhard, Dostoïevski, tout ça, le monologue on du personnage. On haït quand même pas ça, là. Ben, c'est-à-dire, quand c'est bien fait, non. Ouais. C'est ça, voilà. L'homme invisible aussi de Ralph Ellison, je sais pas si vous avez lu ça, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont dans leur sous-sol et qui déversent leur fiel sur l'humanité entière. Demers, il s'inscrit un petit peu là-dedans, puis là, il continue dans sa lancée, je te dirais, avec ce recueil-là. Bon, là, c'est pas la même chose, évidemment, c'est un recueil, hein. Il y a 12 textes. Ce sont des textes qui sont ancrés dans l'histoire avec un grand H. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça. Demers, c'est un prof de cégep à Sherbrooke. Prof de philo. Donc, dans ta gang, René. Paf, c'est réglé. 12 courts textes, hein. C'est pas un livre très long. 12 courts textes qui s'intéressent, surtout, je te dirais, au côté sombre de l'humanité, aller chercher dans l'histoire les méandres, les trucs compliqués, les moments où ça, par exemple dans un texte, on est en Argentine et c'est un des bourreaux de Perón qui parle, t'sais. Donc c'est lui qui s'exprime, qui parle à une de ses victimes et qui dit que et qui explique à quel point il n'y a pas de remords sur ce qui s'est passé. Donc c'est ce genre d'exploration là auquel on a droit. Moi, ce que je lui reproche, en fait, au bout de la ligne, c'est pas tant ses sujets, mais en fait oui, pour parler clairement là, je pense que Demers, il fonctionne plus comme un philosophe finalement que comme un écrivain. D'après moi, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que c'est un écrivain d'idées qui c'est pas que l'auteur pense les trucs qui sont inscrits dedans, parce qu'il y a beaucoup de fous qui s'expriment, il y a beaucoup de gens très détraqués qui s'expriment. Mais le problème, c'est que en essayant d'explorer ce genre d'avenue-là, il faut créer des personnages qui ont des voix très, très incarnées. Crédibles. Crédibles et très différentes les unes des autres. Dans un roman, quand la personne parle tout le long de la même voix, bon, c'est logique, ça fonctionne. Dans un recueil de nouvelles, c'est très dommageable pour la lecture, parce que si tout le monde parle à peu près de la même façon, ça finit par tous se ressembler, puis on a l'impression un peu que ça devient comme, effectivement, des sortes de porte-voix de l'écrivain, en fait, qui est incapable, si on veut, de créer des personnages très, très dans incarnés. Temps, parce que pour moi, la voix narrative, c'est une des choses les plus importantes d'un style littéraire, si on veut. Qui parle et comment elle parle. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, un des effets de style que Demers fait beaucoup, c'est tronquer le pronom personnel dans une énumération. C'est-à-dire, par exemple, « je pris le fusil », point, « marcher dans la rue », au lieu de redire j'ai marché dans la rue une deuxième fois, là, mais si tu fais ça, qui est une note de style assez qu'on remarque assez facilement, si tu l'as fait dans 3 nouvelles de suite avec des personnages qui parlent, t'as l'impression que c'est le même qui parle tout le temps. Ben c'est ça. Ça peut paraître superficiel, mais pour moi c'est tout à fait fondamental à l'écriture d'être capable de créer des personnages qui s'expriment avec des voix fortes et incarnées, surtout, qui fonctionnent avec leur psychologie. Dis-moi, les époques, ça s'étire probablement, tu parles de l'histoire avec un grand H, ça fait que c'est pas juste l'Argentine, j'imagine, voir la photo, la première guerre. La première nouvelle, ça s'appelle L'homme au fond du trou, ça raconte l'histoire de 3 soldats qui sont dans les tranchées en Érythrée. Avant l'indépendance, la guerre contre l'Éthiopie, on apprend beaucoup de choses, hein, évidemment. Ben, en fait, c'est toujours un peu paradoxal. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup de choses, mais dans un livre comme ça, n'importe quel lecteur, et beaucoup sur Wikipédia aussi pour aller vérifier, parce qu'évidemment, Demers, il fait pas un traité d'histoire, hein, il va pas t'expliquer c'est quoi. T'es dans la situation, là, moi, je suis allé voir, c'est quoi cette guerre-là, hein, c'est-tu vrai, ce qui fantasme? Ben, la plupart des événements qu'il décrit sont vrais. Il y a quelques trucs de science-fiction, un peu plus, où on est dans une dystopie, là, mais la plupart du temps, ce sont des faits qui sont avérés, qui sont arrivés. Mais il met en scène des personnages fictifs dans des situations comme l'Argentine, comme l'Éthiopie, comme la Révolution française ou des trucs comme ça. Donc il se promène énormément dans l'histoire comme ça. Je comprends que ça t'agace à ce moment-là, que le ton reste le même, ben parce oui, que l'histoire fait aussi des personnes, non? Ben, je pense que oui, l'histoire fait des discours différents. Tu réfléchis pas de la même façon au 18e ou au 20e siècle. Ben, tu réfléchis pas et tu ne t'exprimes pas non plus de la même façon. Il y a quand même des... Est-ce qu'il y a des nouvelles qui marchent mieux que d'autres? Ben, c'est ça, j'allais dire. je vais te parler d'une qui marche pas d'après moi. En fait, elle représente exactement ce qui m'énerve dans ce genre de littérature qui essaie d'explorer la cruauté, qui essaie de bousculer le lecteur, tu sais, qui essaie de te faire réfléchir à l'horreur, la cruauté humaine et tout. Il y a une nouvelle qui s'appelle Le Poète qui décrit un tueur en série, mais évidemment, ce tueur en série-là, comme Demers n'est pas un gars qui écrit des polars puis qui s'intéresse, ça l'intéresse pas lui d'écrire des trucs de tueur en série ordinaire. Évidemment, son tueur, ça va être un poète qui adore la littérature et qui déteste l'humanité. Tu sais. Ah, donc, c'est original. C'est de l'ironie. Ouais, c'est ça. On a vu cette figure-là vraiment beaucoup. Là, tu sais, on s'entend. Par contre, dans certains autres textes, comme laquelle, ça s'appelle La Lignée ou Lignée, je pense, sans l'article. Ça, tu vois, ça fonctionne un peu plus. C'est-à-dire qu'il va décrire l'histoire d'un vieil homme qui se remémore tous ses ancêtres, qui ont tous été des révolutionnaires, un après l'autre, de père en fils. Ils se sont tous retrouvés à l'avant de l'histoire, sur les barricades, à Paris, etc., dans toutes les révolutions, jusqu'à se retrouver ce vieil homme qui attend le métro à Montréal dans les années 2000, en ce moment-là, tu sais. Et qui se demande, est-ce que moi, j'étais à la bonne place au bon moment-là? Ouais, il fallait qu'il attende 2012. Donc, c'est des textes qui sont reliés quand même thématiquement, on s'entend. Si ça vous intéresse, ce côté-là, c'est quand même, il y a quelque chose de quand même assez bien foutu de ce côté-là. C'est relié thématiquement. Un autre thème qui relie étrangement les nouvelles, c'est que beaucoup de ces gens-là, ces exilés-là, souvent, c'est des gens, tu sais, comme le bourreau argentin, ils se retrouvent au Canada. C'est beaucoup de personnes qui se ramassent au Canada ensuite. Ça revient souvent comme motif dans les nouvelles. C'est le Canada comme terre d'accueil, mais aussi comme pays où il ne se passe jamais rien. Rien, oui. Donc, voilà, l'histoire se passe ailleurs. Et au Canada, c'est comme l'endroit où les méchants de l'histoire se ramassent. Ils vont se ramasser. Ouais. Ben, merci. C'est un peu plate pour toi, mais merci de cette plaisir. Lecture éclairante. On va écouter un peu de musique et on revient avec du polar. On est de retour au bouquin. D'abord, c'est déjà le dernier livre dont on va vous parler. Moi, j'ai lu pendant l'été beaucoup de polar, ce que je fais pas normalement en saison régulière parce que j'essaie de lire le plus possible de romans québécois et de recueils de nouvelles. Richard Sainte-Marie, Repentir, c'en est un que j'ai attendu. C'est un polar québécois. Richard Sainte-Marie, c'est un collègue ici à CKRL et il y a très longtemps fait la radio ici. C'est son troisième roman, si on considère la réécriture du Ménage rouge, peut-être même son quatrième, c'est une question de point de vue. Toujours le même personnage de l'inspecteur, non, c'est l'enquêteur Pagliaro qui revient, cet Italien de Montréal, ça joue à Montréal. Pas qui Michel, s'est... son prénom, non? Non, Francis. Et qui... s'intéresse beaucoup à l'art et là, on se fait plaisir. Il faut dire que Richard Sainte-Marie était professeur d'art aussi à l'Université Laval. On nage dans le milieu vraiment là. Ça commence en 66 avec... On suit un petit garçon qu'on va suivre d'ailleurs toute son enfance. C'est entrecoupé toujours cette histoire de ce petit gars-là qui vit avec sa mère et un homme qui apparaît là, ça commence assez épouvantable. Le petit qui se réveille, tout content de pas avoir pissé dans son lit cette nuit-là, qui se rend compte que la maison est gelée, qui va raconter qu'il y a eu un petit frère, etc., et qui va trouver ce bébé-là dans la cuisine, la porte et les fenêtres grandes ouvertes, le bébé gelé, ça finit comme ça, paf. On part à Montréal de nos jours, où... il y a une exposition et le galériste a été tué avec une œuvre d'art, un couteau de Chantal Gilbert qu'on connaît bien ici à la ville de Québec, et un policier qui est sur place, et on se demande c'est quoi les liens de tout cela. Et ça va continuer comme ça. On a l'enquête qui avance lentement, très très très lentement, et on suit ce garçon-là qui va vivre avec sa mère, craindre cet homme-là et se promener dans les bois, traquer avec un ami des petits animaux et les dessiner. Et évidemment, on s'en doute qu'il va essayer de devenir artiste, mais ils vont se passer toutes sortes de choses qui vont bousculer autant le cheminement de ce garçon-là et cette enquête qui va nous montrer ce galériste-là qui est un homme épouvantable, qui achète des œuvres, qui va changer les attributions des œuvres mineures, qui va changer les attributions, qui va faire monter les prix. Au début, on a l'impression qu'on parle vraiment d'œuvres qui existent, et finalement, on s'en rend compte, c'est tout ça, c'est une grande supercherie. C'est extrêmement bien, bien faite. C'est très documenté. Richard me l'a dit, très, très véridique, oui. Tout ce qui touche à l'art, cette histoire-là, c'est assez vrai. Et en même temps, le personnage de Pagliaro est vraiment très attachant et il va comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé avec ce meurtre-là de plus en plus, en retournant continuellement à la galerie et de regarder ce qui est exposé là, parce que il n'arrive pas à mettre la main sur l'artiste qui expose là. Il a disparu. Fait que, évidemment, c'est la première personne qui va soupçonner. En même temps, en regardant cette œuvre-là qui est exposée là, qui est très troublant, il n'est pas sûr que c'est vraiment ça ce qui s'est passé. C'est super bien fait. René peut en témoigner. À un moment donné, j'ai quasiment refusé de faire un souper parce qu'il me restait comme 20 pages à lire et je savais plus. Là, j'étais toute mêlée. On savait à peu près où qui était le meurtrier, mais... Tu voulais pas t'arrêter. Je voulais pas m'arrêter. Et c'est moi qui avais dit. Mais non, j'avais dit que je le fais. On a mangé vraiment plus tard, c'est tout. Mais c'était vraiment... Normalement, je peux déposer un polar. J'en ai tellement lu. Et tu sais, des choses où tu dis, c'est toujours pareil. Là, c'était pas tout pareil. Vraiment, je dirais c'est le meilleur que j'ai lu de Richard Sainte-Marie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça s'appelle Repentir, avec un S entre parenthèses. Et ça a tout son sens aussi. C'était la question que je voulais te poser. Oui, parce que ça se réfère... Est-ce que ce S a un sens? Oui, parce qu'il se réfère autant à tous les personnages dans le livre, incluant l'enquêteur, qu'à l'œuvre qui est exposée, qui s'appelle Répondre. Je voulais m'excuser, m'expliquer répondre quelque chose. Son interrogation. Chantal Gilbert, que tout le monde connaît. Mais c'est une joaillière qui fait des couteaux. Et qui est aussi... Donc, ce couteau-là a servi au meurtre de... Mais elle travaille avec M. Labaume. Oui, mais elle n'est pas contente, elle, de savoir... Est-ce qu'on sait si elle a bien réagi? J'ai aucune idée. À l'emprunt de son œuvre? Je ne sais pas. Ben, oui, c'est un placement de produit. Bon, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va revenir cette saison pour parler de la politique autour du livre. Petite annonce, la promenade des écrivains au mois de septembre, c'est Jacques Poulain. Les dimanches 7 et 20, c'est ça, c'est le hier et le 28 septembre, le seul qui reste. Et les promenades de Christine Brouillette sur la piste de Maud Graham, ça continue, c'est le 13 septembre qui reste. Et la basse ville de Christine Brouillette, c'est le 20 et le 27. Il faut appeler le 418-641-6798. Pour aller se faire raconter des histoires. Exactement. Et des lancements. Librairie Pantoute, ce vendredi, il y a le lancement de la BD, le vol TS-236 à la succursale du Vieux-Québec. Et ça a lieu à 19h. Et là, on va faire plaisir à Gilles. C'est toi qui vas y aller. Le lancement de « Fais pas sa tête » de Jean-Paul Beaumier chez Druide a lieu mercredi, ce mercredi le 10. Que je connais depuis des décennies. Vois-tu, à 17h, à la librairie du quartier qu'on a encensé tantôt au 11-20 quartier. Et moi, je vais aller au lancement « Le vent dans le dos », un nouveau recueil de nouvelles de Nathalie Jean, très attendu. C'est elle qui jetait ses ongles par la fenêtre. J'ai adoré ce titre-là. C'est aussi le 10 septembre à 17h30 au Salon d'Edgar. Et je vous fais vite un petit survol des sujets qu'on prépare pour la saison à venir. La Grande Guerre 14-18, Félix Leclerc, Québec en toutes lettres, le roman historique, le rôle de la critique, de la course à pied, la survie des librairies indépendantes ici dans la ville de Québec, la vieillesse, la mort, il y a plein d'affaires. Et on fait un spécial Camus dans deux semaines. Les philosophes vont vous arriver avec ça. Oui. On continue évidemment avec les émissions philosophiques on va avoir aussi des émissions jeunesse. Mm-hmm. Est-ce qu'on fait un tour de table? Bien, on n'a pas dit un mot sur le ministre Bolduc. On va faire ça la prochaine fois. Ah bon? Il vaut pas la peine qu'on en parle. C'est de pauvre petit. Non, il vaut pas la peine. Bon, j'ai très mal lu un extrait de Mathieu Arsenault parce que les phrases sont... Ces chapitres sont des phrases, c'est trop long, j'avais pas assez de souffle, je m'en excuse. La vie littéraire chez le Cartanier. Après ça, Gilles, tu nous as parlé... Du bon usage des étoiles de Dominique Fortier pour aller avoir froid dans le Nord. Chez Alto. Et de Tourne-Disque, qui est une bande dessinée qui se passe au Congo et qui met en vedette, outre Tourne-Disque, le noir, le nègre, parce que c'est le même qui les appelle, il met Eugène Isaïe aussi en vedette. Moi, je vous ai parlé Les Tranchées de Fanny Britt chez Nouveau Projet, c'est le quatrième, Claire Martin, Toute la vie, chez L'Instant même, superbe recueil, même si j'ai pas eu le temps d'en parler plus, René Bolduc. J'ai beaucoup aimé Canada de Richard Ford aux éditions Boréal. On s'inquiète beaucoup pour le jeune dès 15 ans, qu'est-ce qu'il va arriver à travers toutes ces péripéties, et j'ai bien hâte de lire d'autres Richard Ford. J'ai beaucoup moins aimé Canada de Richard Ford que René, et j'ai pas beaucoup aimé non plus Contes violents d'Olivier Demers, mais je tenais à vous en parler quand même parce que il y avait quand même d'intéressant là-dedans. Merci beaucoup, et j'ai encensé le dernier de Richard Sainte-Marie, Repentir, chez À lire. On se retrouve la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison thaïlandaise. Maison thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. La renaissance du blues, ça est surtout parti en Europe. Angleterre. Surtout, et puis en Allemagne aussi, il y en a eu beaucoup. Dans les pays anglo-saxons surtout. Là. Oui. Pas en France, je pense pas. Plus jazz peut-être, quand même en France aussi. Hey, c'est rare qu'on parle de ça, hein? L'histoire du rock'n'roll en Europe. Oui. Les bâtards avec Nicolas Dumont suit dans une minute sur CKRL. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. En septembre, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 7 septembre, l'événement Kino Québec. Le 10, les rencontres internationales du documentaire de Montréal débarquent à Québec et présentent le documentaire Le Baiser de Tosca. Le 17, les aventuriers voyageurs en Birmanie. Le 18, l'Opéra national de Paris, La Traviata. Le 21, l'événement Antitube. Cet automne, procurez-vous la carte Abonne Clap 10 ou 15 films et économisez jusqu'à 40% sur le prix régulier. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. 89.1 CKRL. Québec.